Le Pen, bon, qui est mort la France là-bas. Mais mort la France, de bug France, mais moi ça peut pas taper bon. Quoi quoi, moi ça lire, pas de taper, tout taper, pas de moi, il faut la bérinque qui est là. Bon, moi même, ben, ben, ben, moi, moi, je n'ai pas de France, mais. Dan ko refulé 2 jours la graf am nak depuis bobu nak français rek lay le bëgg nak lay lag rek mais français tak la yo xamna yo yalla xam da na ko bon dom bi nak day jang quoi primaire mais c'est un grand nulard nulard quoi bon ñeu ñi def langage sen classe sen maître de expliquer le bon day tej buntu bi le langage quoi moy ni premier enseignant def primaire ñeu tej buntu bi na len la porte est ouverte tej buntu bi na la porte est fermée di len jangalou le quoi heure le am affaire yi quoi légui le plafond est brisé affaire yi donc yépp mu jangalé ban mokol quoi mais benen jour nak ñu commencer def wara def langage résumé quoi def benen leçon langage mais résumé affaire yi ñu wara def dem bon ñi invité mu introduire dans mort le français bon ñeu pour mo wax kon ko comme nan lañ waxé nak plafond bi xarna nak te dem bu jangalon nan lañ ko légui dom bi ñeu taxaw mu ne mom mu xamuko quoi fatanako quoi dem mu dakh ko mu dem wo param bam woyé param mo war la français ñeu di ak ay joyen quoi ñeu ci papam nako dañ ma dakh quoi dafa am lañ mo pro lañ mo introduire mais xawmako quoi te dem bu lek lañ ko dem mais dama ko fat lek mor français djub ban la pose bon na lay ni dem quoi ni dem mu ñew laj ko prof nako bon lo da fay sama dom di dama ko pose ben question mom bu facile bo xamne di angul nako dembu lay dem wara def resume pour jall sa benen leçon dama ko laj ba xam na li ni waxe plafond bi xar na nak dak bu tur lay gis dom lan fecc nul plafond bi nak xar na nak amo ko di français quoi le plafond est mouton vache nous les xamoko hein bon yow bo légui nak man dama lay baye bo jangé sa bop bo jang sa mais ci français nak waxé mu nako si tu travailles ta tête si tu ne travailles pas ta tête moi mon cerveau est descendu man sama jang wacc na